Connaissez le Red Champagne? C'est une boisson unique, au goût unique. Et avec le beau temps qui arrive, il fait bon se désaltérer avec le Red Champagne, au goût qui nous ressemble. En ouvrant une bouteille de Red Champagne, vous sentez ce bon goût de pomme rouge. Au cours de l'été, ne vous privez pas du plaisir de déguster Red Champagne. Red Champagne, disponible partout. Philippe Simard et fils, distributeur de Red Champagne, salue le mois de l'arbre et de la forêt. Dernière chronique de l'année avec notre ami Phil Desgagnés. La société sylvicole du secteur de Mistassini œuvre dans le domaine de l'aménagement de la forêt et le reboisement forestier. Notre société emploie plus d'une centaine de personnes dans la région. La société sylvicole est située au 245 Dequin, secteur Mistassini, au numéro de téléphone 88-276-8080 et est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et de la forêt. De basketball avec notre ami Pascal Jobin sur un bout de temps qu'on n'y a pas parlé. Salut Pascal! Salut Danny! Comment ça va Danny? Ça fait du bien Pascal de se parler. Quoique le sport n'est pas recommencé pareil, mais on va se parler de l'actualité parce qu'il y a peut-être des pourparlers pour que la NBA revienne. Mais avant tout, le sujet de mon appel, c'est le documentaire qui fait jaser beaucoup. Puis j'ai écouté les deux premiers épisodes, j'ai un petit peu de temps en fin de semaine, sur The Last Dance de Michael Jordan. C'est excellent. Je vais te dire, c'est des gens qui n'ont pas commencé à l'écouter, là, c'est fabuleux. Tout ce que ESPN font, c'est vrai, ils sont sur la coche. Pascal, comment tu as trouvé ça? Mais écoute, à date, il n'y a rien que je n'avais pas nécessairement vu. Tu me connais, Danny, un petit peu maintenant, là, mais moi, j'ai grandi dans les années 80. J'ai vu Michael, j'ai vu le dernier match de la saison régulière des Bulls à Boston. J'étais physiquement dans l'aréna. Okay. Après le match, j'avais mon roommate à l'époque, Howard Holly, son ami d'enfance. Il jouait pour les Celtics. Il s'appelait Charles Smith. Il a joué pour Georgetown. Il venait signer un contrat avec les Celtics. Puis il nous avait donné des billets pour le match. Puis il nous a dit d'attendre pas loin du vestiaire. Mm. Puis Michael, il a carrément passé devant nous autres avec deux gars de sécurité. Puis il nous a dit bonjour. Ça, c'est mon highlight de Michael Jordan. C'était vraiment spectaculaire. On était vraiment contents de cette opportunité-là. Il y avait Scottie Pippen, Horace Grant, Larry Bird. Tout le monde était là. Okay. Je peux te dire que je me souviens d'avoir vu j'avais donné un petit coup d'œil dans le vestiaire des Celtics. Il y avait 3-4 caisses de bière dans le vestiaire. Là, ouais. C'était une autre époque. Là. Fait que moi, j'avais vu ce match-là en 91. Boston. Fait que ça, c'est l'année qu'ils ont gagné leur premier championnat, je ne me trompe pas, la saison 90-91. Mais moi, j'ai écouté hier, j'ai commencé à écouter le premier match de la série Chicago-Boston de 1986 quand Jordan. Ouais, son année recrue. Son année recrue. Le gars, là, j'ai écouté le premier match hier, c'est fabuleux. Puis apparemment que le deuxième est encore meilleur. T'as écouté le premier épisode des 10 du documentaire hier. Oui, mais je veux dire, j'ai écouté les deux premiers épisodes du documentaire, puis j'ai écouté aussi le premier match des Bulls contre les Celtics, c'est sur YouTube En 1986. Et m'a dit une affaire, il n'y avait pas d'équipe, les Bulls, sa première année. Là. Quand Jordan est arrivé, là, ils se sont classés la dernière année sur les dernières secondes. Et j'ai regardé pour faire la série, oui. Scottie Pippen n'était même pas là, Kukoc n'était pas là, Rodman n'était pas là. Coach Rodman sont arrivés pour le deuxième three-peat, comme on dit. Là. Ouais. Mais c'est le fun de voir. Il y a beaucoup de clips, de choses que j'avais déjà vues, qu'on peut voir sur YouTube, tout ça. Mais tu ajoutes ça avec les clips de la dernière saison. Là, tu veux dire? Ouais. C'est vraiment spectaculaire. C'est vraiment le fun de voir ça. Là, puis d'avoir un œil. J'aimerais ça voir plus de pratique. J'aimerais ça voir une pratique au complet. Là. Okay. J'aimerais ça voir comme spectateur, comme fan de Jordan. Là. Mais c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. ESPN devait sortir cette série-là en juin. Finalement, ils l'ont sorti plus tôt. Mm. Le monde a de quoi parler. Écoute, timing. C'est là que tu vois que Jordan. Il y en a qui me disent Pascal, c'est-tu le GOAT? C'est-tu? Mais tu sais quoi, pour moi, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Parce que c'est le timing, c'est son style. J'ai aimé le commentaire de je pense que c'est George Karl qui a dit que Larry Bird puis Magic ont mis la ligue dans une bonne position au niveau de respectabilité. Okay? Ben, le final, mais Jordan, il l'a emmené sur Broadway. En voulant dire que Jordan, il l'a mis mondial. C'est un show, tu veux dire? Ouais. Fait que c'est tout, là. C'est le premier à avoir sa propre ligne de souliers. C'est le premier. Il a fait. Puis tu sais, il arrête pas parce que même aujourd'hui, je pense que c'est le premier athlète je pense que Tiger Woods, c'est le premier athlète à faire 1 milliard, mais Jordan, il vaut 2,5 là, maintenant, milliard, tu sais. Ouais. Propriétaire d'une équipe à lui tout seul. Je veux dire. C'est toute une carrière, tout un bonhomme, toute une légende, ce Jordan. Mais c'est là que tu vois quand même que Jordan, écoute, la légende, le gars est même pas retiré, puis encore une fois aujourd'hui, il fait 6 millions les codes d'écoute sur ESPN. C'est très bon, là, les codes d'écoute. Là. C'est extraordinaire. Ben, regarde, premièrement, en ce moment, si tu prends tous les vedettes de la NBA, là, Durant, LeBron, Curry, là, ils font même pas ce que Michael a fait l'année passée au niveau de vente de souliers. Okay. Au niveau de Jordan. Okay. Ouais. Michael est encore numéro un en ce moment. Ils additionnent tout, puis ils battent pas même. Non, okay. Oh, ouais, tu prends les top vendeurs de la NBA, tu les mets ensemble. Ouais. Puis mettons, ça fait 90 millions là, de revenus. Là. Mais Mike est à 150 millions, 200 millions. Okay. Puis moi, ce que j'ai remarqué, c'est le charisme, c'est sérieux tout. De ce gars-là. Hein. Le style, le charisme, tu sais, il y a des gens qui ont dit, ah ben, c'est un égocentrique. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est dit, moi, je vais jamais demander à quelqu'un de faire ou mes attentes, mais si moi, je le fais pas non plus. Ça, c'est important, tu sais. Fait que, écoute, c'est une série vraiment, vraiment, vraiment le fun. Puis le timing peut pas être mieux, là. Puis, mais c'est là que tu vois, pour moi, tu sais, Will Chamberlain, c'était tout un joueur de basketball au niveau de dominance, tout ça. Puis Shaquille O'Neal, c'était un autre au niveau physique, tu sais. Puis LeBron au niveau athlétique, puis physique. Mais Michael, c'est Michael. Il n'y en aura pas d'autres. Il n'y en a pas eu avant. Puis j'ai toujours dit ça, Danny, puis tu le sais très bien. Le plus près de Michael, ben, c'était Kobe. Puis tu sais, il était pas loin, puis il l'a toujours dit, puis Michael l'a toujours dit. Côté basket, côté physique, côté style de jeu, côté dominance, côté... Même LeBron. Oh, ouais. Non, mais LeBron, c'est peut-être Magic Johnson, c'est peut-être un meilleur Scottie Pippen, mais c'est pas... Si on parle de physiquement, de mimique, Kobe, même dans les entrevues, même dans son style de marche, Kobe a mimiqué Michael Jordan, puis lui-même va le dire, tu sais, puis Jordan a un respect complet. Mais si on parle de joueurs, si on compare au niveau du style sur le terrain, ils sont physiquement pareils, Michael puis Kobe, à part Kobe disait la seule raison que Michael a un avantage sur moi, c'est parce qu'il y a des plus grandes mains, tu sais, veux dire? Ouais. Fait que, mais tu sais, LeBron, il est 6 pieds 9, 200, tu sais, LeBron, c'est un top 5 historiquement dans la NBA, faut pas se le cacher, là. Mais pour moi, Mike, c'est Mike, 6 championnats, 3 de suite, il s'en va jouer au baseball, il revient, il revient. Fini une saison, après ça, la deuxième saison qui commence la saison au début, il en gagne 3-8, c'est phénoménal. Là. Puis, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que avant l'arrivée de Jordan, les Bulls, c'était nulle part, hein. C'était incroyable. Écoute, même la Ligue, il y avait une Ligue de football intérieure qui battait même les Bulls. Ouais, exactement. Puis tu vois que la NBA, c'était à cette époque-là, c'était vraiment deux équipes, c'était Boston puis Los Angeles. Historiquement tout ça, puis mais le reste de la ligue, il y avait beaucoup d'équipes proches à point, là, tu veux dire. Ouais. Michael, il est arrivé dans une période où ce que la NBA a une transition, mais lui, il a créé cette nouvelle ère-là. Parce que aussi populaire que Michael, que Magic puis Larry Bird ils étaient, c'était pas national au niveau. Non. T'sais, c'était Los Angeles, c'était Boston, c'était bon, on va écouter, c'est le fun. Mais Michael, il a emmené ça national et international, tu sais. Il a emmené ça à un autre niveau, là. Là, les équipes, les gens allaient voir les Bulls, puis les gens voulaient voir Michael sur la route, tu sais. Ça a été spectaculaire, là. Sa deuxième année, quand ils ont perdu contre Boston, il a fait 63 points, 49 points, match numéro 1, 63 match numéro 2, en double prolongation, ils ont perdu, mais c'est sa légende a commencé déjà, là, mais il a vraiment mis la NBA sur la map. Là, Stern, je pense que c'est un des premiers athlètes noirs, Danny, à avoir une annonce nationale aux États-Unis. Okay. C'était plutôt régional à l'époque. T'sais. Mettons Mohamed Ali à Louisville au Kentucky ou quelque chose comme ça, là, au niveau de commanditaire. Là. Okay. Okay. Je pense que Michael Jordan avec McDonald's, il y avait une annonce qui était nationale. Okay. C'est le premier athlète noir à avoir une annonce nationale. Non, non. Puis en passant, je ne sais pas si tu le sais, tu connais Arthur Ashe, le joueur de tennis. Oui. Ouais, lui, c'était un premier. Lui, il avait sa propre raquette à l'époque. Et c'est de là que David Falk il a dit on voulait une compagnie de souliers qui ferait un soulier à l'effigie de Michael. Puis tout le monde dit, mais non, c'est un sport d'équipe, ça n'existait pas, ça. Okay. Fait que son agent est important, mais Michael, il a fait des choses qui sortaient, you know, out of the box, comme on dit, là, tu sais. Okay. Ce que tu manques, parce que sur Facebook, en même temps, je te parle, puis tu viens de marquer sur ton Facebook, ce qui manque dans la dernière danse, c'est la rivalité avec Len Bias. Len Bias, qui est un joueur qui est décédé. C'est lui qui est décédé, je pense, sur une crise de cœur, je pense, sur le court, hein. Une overdose, c'est Reggie Lewis. Len Bias, il a été repêché par les Celtics, okay, numéro 3. Et puis, il a été au repêchage, il est retourné chez eux, puis il a célébré avec ses amis, puis il a pris du crack, la cocaïne, puis ça l'était à son cerveau, puis il est mort. Okay. Je me souviens, c'était en 91, je ne me trompe pas. Là. Okay. Puis Len Bias, si tu vois, Mike Krzyzewski, il a dit, dans le petit chose que j'ai mis, le coach de Duke, il a dit les deux meilleurs joueurs qu'il a vus dans l'histoire de la NCAA, que lui, il a coaché, c'était Michael Jordan et Len Bias. Larry Bird, il a dit, je vais aller au camp des recrues juste pour jouer avec. Okay. Fait que c'est cool. Puis pourquoi j'ai dit ça, c'est parce que surtout dans le documentaire 1 et 2, on aurait pu en parler un petit peu. Parce que Len Bias, il a fait 45 points contre North Carolina ou 35 points. Il a fait, c'était le rival de Michael Jordan. Il y avait vraiment un rival. On n'a pas vraiment fait un enfant parce qu'il n'y a pas eu de carrière, finalement, ce joueur-là. On parle de Charles Barkley, mais Len Bias, selon moi, c'est un joueur qui aurait été top 20, là, dans la NBA. Là. Okay. C'est un autre Charles Barkley. Le monde disait que c'était un joueur comme Dominic Wilkins, mais c'était un mélange de Dominic Wilkins et Michael Jordan. Hey, dis-moi, est-ce que troisième devant Alan Jouan et Sam Bowie, est-ce que ça se refaire, c'est sûr que Jordan serait avant Bowie, mais tu sais, c'est toujours dur de faire un repêchage. Tu sais, quand tu repêches de quelqu'un... C'est dur. Ouais. Tu sais quoi? Moi, je pense que si on se met à cette époque-là, OK, la NBA jouait avec des centres, OK? Tu gagnais avec un centre. Tu comprends-tu? Ouais. Magic Johnson faisait quand même 6 pieds 9. Larry Bird faisait 6 pieds 8, 6 pieds 9. Okay? Les joueurs dominants, les deux années que Jordan n'a pas vraiment joué, c'est Hakeem qui a gagné avec les Houston Rockets. À cette époque-là, de repêcher Hakeem numéro 1, même celui qui a repêché Jordan, il dit, si ça serait à faire puis j'aurais le premier choix, je ne prendrais pas Michael, je prendrais Hakeem. Okay. Basé sur ce que tu savais avant la carrière de Michael Jordan. Tu comprends-tu? Fait qu'ils n'ont pas fait. Il n'y a personne qui peut dire que c'est une erreur. C'est un peu comme au hockey quand tu dis que Tom Brady, il a été repêché où, Danny? Tom Brady a été repêché en choix de 5e ronde. Imagine-toi, ouais. C'est encore pire, ça. Ouais. Au moins, Michael, il était numéro 3, là. Tu veux dire? Ouais, mais quand tu vois. Tom Brady, entre nous deux, il aurait dû être le premier choix de ce repêchage-là, non? Ouais. T'sais? Mais quand tu vois les combines de 2000 du repêchage, on comprend pourquoi Tom Brady était repêché en 5e ronde. Fait que c'est sûr que tu regardes un joueur à cette époque-là, la mentalité. C'est pas vrai qu'un gars de 6 pieds 5, 6 pieds 6 athlétique va dominer une ligue, là. Ouais. Encore. Eux autres, c'était même pas une ligue, c'était une équipe. Là. Michael Jordan, je me souviens, si jamais tu as une chance, t'écriras sur YouTube les commentaires des joueurs quand LeBron est arrivé à Cleveland. Okay. Tu vas trouver ça drôle. C'est qu'ils disent. Ben, il va s'asseoir au bout du banc, il va traîner mon sac. Là, veux dire, peut-être qu'il va faire 10 points dans un game. Là, veux dire, c'est, tu comprends-tu ce que je veux dire? Tu sais pas ce que le joueur va devenir. Puis tous les joueurs ils ont des gros égos. Là. Fait que Carmichael, je me souviens, dans le documentaire, on voit Walt Frazier qui dit. Il joue avec les Knicks en passant. Puis... Ouais, c'est ça qu'il joue avec les Knicks. Il a fait un commentaire en disant c'est pas un arrière de 6 pieds 5 qui va dominer une équipe. Non. Une équipe. Si tu refais les repêchages basés sur la carrière des athlètes, 10 ans après, Mais ça change, là. On est d'accord avec ça? Ben oui. Puis c'est comme un peu comme au hockey, quand on dit que ta position de centre est une position de clé, c'est à peu près la même affaire. Parce qu'on fait une pause et on va venir dans quelques instants, on va se parler de les rumeurs qui circulent dans la NBA. Va-t-il avoir une saison? Puis il y a un autre joueur qui a annoncé, un prospect qui s'en va dans la G League au lieu de s'en aller dans la NCAA. Donc vous êtes écoute dans la société sylvicole du secteur de Mistassini œuvre dans le domaine de l'aménagement de la forêt et le reboisement forestier. Notre société emploie plus d'une centaine de personnes dans la région. La société sylvicole est située au 245 Dequin, secteur Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-8080. Elle est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et de la forêt. Laissez le Red Champagne, c'est une boisson unique, au goût unique. Et avec le beau temps qui arrive, il fait bon se désaltérer avec le Red Champagne, au goût qui nous ressemble. En ouvrant une bouteille de Red Champagne, vous sentez ce bon goût de pomme rouge. Au cours de l'été, ne vous privez pas du plaisir de déguster Red Champagne. Red Champagne, disponible partout. Philippe Simard et fils, distributeur de Red Champagne, salue le mois de l'arbre et de la forêt. Dernière chronique de l'année avec notre ami Phil Desgagnés. Salut. On est de retour à danradiosport.com avec notre ami Pascal Jobin. Pascal, d'abord, est-ce qu'il va y avoir une saison? Ou est-ce que la saison va reprendre? Comme toi, Danny, on n'est pas des experts. Puis même les experts ne sont pas experts dans cette nouvelle ère, dans cette pandémie, dans cette situation-là. Fait que on regarde juste les dirigeants, que ce soit au Québec, au Canada, aux États-Unis. À chaque deux jours, ils changent d'idée ou ils sont pas sûrs ou on rouvre-tu puis on referme-tu puis y a-t-il une deuxième vague puis fait que moi mon opinion basée sur ce que je regarde dans certaines ligues en Europe tout ça, je pense pas qu'il va y avoir une saison. Okay. C'est sûr que la NBA a beaucoup à perdre financièrement. Adam Silver, sa job c'est que ses propriétaires fassent son argent, fassent leur argent. T'sais? Mais sauf qu'Adam Silver, il va pas accepter si ça met en péril la vie de certaines, pas juste des joueurs, mais des entraîneurs, du staff. Fait qu'en ce moment, je dirais qu'on est vraiment dans l'inconnu. Est-ce qu'ils vont essayer de faire une saison? Est-ce que tu commences avec des matchs pour finir la saison régulière? Est-ce que tu commences directement dans les séries? Donc, est-ce que tu fais une saison où tu as seulement 16 équipes puis tu es dans les playoffs automatiquement? Est-ce que tu prends 8 équipes puis tu les amènes à un endroit et tu restes là pour éviter la t'sais? Parce que là, oublie pas, Danny, là, on parle de jouer contre quelqu'un d'autre. Il y a un contact physique. On n'est même pas rendu là. On a encore la dysphorie. Il faut garder encore la distance entre le monde. Fait qu'on n'est même pas rendu. Même je pense que cette semaine, il y a certains gymnase ou endroit de pratique des équipes NBA qui vont être ouverts. Oui, à Toronto, entre autres, les Raptors. Oui. Et c'est pas obligatoire. Ils doivent donner ils doivent dire, moi, je m'en viens de 11h à midi, puis là, il arrive, puis il y a un protocole, puis il faut qu'il soit tout seul à son panier, puis après ça, est-ce que tu laves le ballon, est-ce que tu laves le panier? Tu sais, moi, je pense qu'on est vraiment loin d'une saison NBA, puis je serais pas surpris, Danny, qu'en juin, là, il y a eu une annonce qui va dire, il n'y aura pas de saison 2019-2020. OK. Puis reprendre comme si rien n'était en novembre, c'est ça? Puis recommencer en octobre-novembre, dépendamment où est-ce qu'on est rendu. C'est pour ça que je te dis, Danny, tu sais, il n'y aura pas de vaccin avant un an. Mettons, demain matin, on découvre un vaccin potentiel. Mais il y a des tests. C'est tester, c'est ça le but. Mais c'est ça, mais je veux dire, il y a une période. S'il y a un vaccin qui est découvert demain, ça prend au moins un an, parce que c'est quoi les effets secondaires? On ne sait pas. Là. Tu comprends ce que je veux dire par là? Tu sais, il y a vraiment... j'ai le temps d'écouter plein d'émissions puis plein d'opinions des gens, tout ça, mais je pense qu'en Chine, ils ont essayé de repartir la saison, puis ça n'a pas marché, là, tu sais. Ouais. Fait que moi, personnellement, à moins là, qu'il y ait des matchs en juillet puis août, là, moi, je pense que ça va être... ça va faire décaler. T'sais, mais comme je te dis, il y a des millions et des millions de dollars de pertes dans la NBA des propriétaires. Je pense que les joueurs, ils ont leur dernière paye, tu veux dire. Fait que, entre nous deux, je m'inquiète pas pour certains joueurs, tu veux dire. Ouais. Mais tu serais surpris de savoir le nombre de joueurs qui vivent, comme comme probablement toi et moi, de paye en paye. Ben, c'est parce que c'est pas le même style de vie. C'est pas le même style de vie, mais les dépenses, ils vont vite. Puis si tu vis de paye en paye, ben. Ouais, ouais. C'est pas. Tu sais, il faut vraiment être pris pour tes affaires. Tu tiens la bouteille de vin que tu payes 12, 13, 14 $ ici. Nous autres, ben, nous autres, c'est 1000, c'est 2000, c'est 3000 la bouteille de vin. Exactement. C'est exactement ça. Pascal, une nouvelle qui vient de tomber, c'est un autre joueur de la NC, un autre prospect qui est éligible pour le repêchage de la NBA de deux. Ben, en fait, qui devait passer à la NCAA, qui a décidé finalement de s'en aller vers la G League à la place. Et c'est ce joueur, je vais te le nommer Soto. Donc, est-ce que c'est la nouvelle tendance? Ben, il y a toujours, à chaque année, il y a toujours des différentes tendances, OK? Mm. Ce que la G League a décidé de faire pour, comment je peux dire ça, emmener les gros prospects, c'est qu'il y a des joueurs qui sont identifiés. Donc, si tu es classé dans le top 100, top 50, top 30, puis tu décides d'aller dans la G League, mais tu feras pas un salaire minimum de 35 000 $. Tu vas faire, mettons, je peux te dire que je pense que c'est Jalen Green qui a décidé d'aller dans la G League. Lui, il va faire 500 000 $. OK. 500 000 $ dans la G League parce que c'est un top prospect, c'est un top 10, mettons. C'est comme si à Zion, quand il a fini son secondaire, l'année passée, ça marchait pas, mais cette année, ça fonctionne maintenant. Fait que c'est comme s'il aurait dit, si t'es identifié top 10, Zion puis RJ Barrett, il aurait pu jouer dans la G League une saison, puis il aurait pu faire 500 000. Mais faut pas t'oublier une chose. Un gars comme Zion, qui, au lieu de jouer à Duke, s'en va dans la G League. Donc, il fait 500 000 de salaire, mais il peut signer avec Nike pour 100 millions. Ouais, c'est ça la différence. Okay. Tu comprends ce que je veux dire par là? Ouais. Fait que la NCAA vient eux autres assez de combattre ça en disant, maintenant, tu peux être rémunéré sur qui tu es, sur ton nom. Fait que si Zion aurait été à Duke cette année, au lieu d'aller dans la G League, il aurait pu recevoir de l'argent au niveau publicitaire. Okay. Et pas perdre sa boîte. Fait que là, il y a un petit peu une guerre entre la NBA et la G League en ce moment. Mais la G League appartient à la NBA. Exactement. Donc, pour moi, ce que je te dis, c'est que la NBA et la NCAA sont... Ils travaillent pas vraiment ensemble. OK. La NBA, pendant des années, a pas dit un mot parce que la NBA a dit à la NCAA, regarde, on va forcer les meilleurs joueurs du secondaire à faire un an au moins. Comme ça, ça va vous aider. Tu comprends-tu? Ouais. Puis eux autres, ils se disent, ben, il est jeune, fac. Mais maintenant, la NBA, c'est un peu rendu comme le hockey. Ils ont un système mineur, qui est la G League. Fait pour booster leur système, fait que là, oublie pas une chose, t'as une équipe, là, Mad Ants de je sais pas moi, pour les Celtics de Boston, la G League, les 905 de Toronto, ils repêchent Jalen Green. Mais lui va amener autant de spectateurs quasiment qu'un match. T'sais, Zion, il aurait rempli l'aréna, là. T'es d'accord avec moi? C'est clair. Et ça, il va y avoir beaucoup plus d'intérêt pour la G League. Ben, éventuellement, c'est ça qui va devenir. Parce que là, la NBA a mis beaucoup d'argent dans la G League, mais les matchs de G League, ils font pas, il n'y a pas beaucoup de spectateurs, Danny. Là. Non, je regarde les matchs de 5, tandis que là, ça va devenir. Moi, je pense pas que ça va affecter la NCAA autant qu'on. Parce que la NCAA, oublie pas, c'est un petit peu comme les Canadiens de Montréal. La NCAA vend pas le nom dans le dos, vend le nom devant. OK? Ouais. Tu vas voir Syracuse. Ça donne qu'il y a tel joueur. Mais c'est. Tu sais, Syracuse, quand il y avait. Avant Carmelo, il y avait 30 000 personnes, puis après Carmelo, il y avait 30 000 personnes. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, fait que la NCAA, ça va peut-être pas l'affecter autant, mais c'est sûr que ça donne une opportunité à un jeune de 17-18 ans qui est vraiment talentueux, qui dit, gars, moi, je vais aller tout de suite prendre le 500 000 $, puis je vais aller dans la G League, puis je vais tout de suite, je vais jouer les règlements NBA, je vais jouer avec des coachs qui sont dans la NBA, je vais être affilié avec une équipe NBA, tu sais, fait que c'est ça. OK. Donc, j'ai bien hâte de voir ça aussi, parce que j'ai l'impression que ça risque de faire boule de neige un petit peu au cours des prochaines années. Là. Ben, c'est que les jeunes, au lieu de faire comme Carmelo Anthony, pas Carmelo Anthony, mais le frère, le Melo Ball, partir en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Là, tu peux rester aux États-Unis au moins. Oui, effectivement. Plus besoin d'aller en Europe. Ouais. Pascal, gros merci. On se reparle dès que l'actualité de la NBA va léger. Ça va faire plaisir, Danny. À bientôt. Pascal Jobin.